j'ai vu ton père, j'ai direct tourné la tête. Tes mani mani m'ont fait tourner la tête. J'ai une de quartier, j'peux pas refuser mon tête. J'ai d'amour que pour la Honda, la daronne est à terre. Chica, ne le dis pas. On fait le tour de la terre, on le dit pas. J'ai vendu paki paki comme la Kika. Tu veux la vie de rêve, mais tu la vis pas. Monte sur la calèche, tape RS4. J'suis le premier vaillant à sortir la batte. Des fois j'suis tranquille, des fois j'suis rabat. Ton sourire, il vaut plus que de l'or. Si j'prends ta main, on ira jusqu'à la mort. J'ai pas le temps, fais pas comme si j'avais tort. Chica, chica, veut me jeter un sort. Chica, ne le dis pas. Il t'a fait du mal, ne le regrette pas. Chica, non me dis pas. J'ai un côté Hnine, un côté Honda. Chica, ne le dis pas. Il t'a fait du mal, ne le regrette pas. Chica, non me dis pas. J'ai un côté Hnine, un côté Honda. J'ai un cœur, mais je l'ai pas, papa. Elle sait très bien que j'ai grandi sans papa. C'est elle qui fait tes démarches, tu n'en parles, parles pas. Elle sait que je fais ta musique, mais j'ai ça, ça, ça. On se balade loin de la favela. Je prends le vest, pas MJ, viens, on se voit. Elle a les yeux bleus, terre l'Himalaya. Elle sait que j'étais jeune quand je crie aha. Je travaille à fond, moi je vois pas le jour. Un cœur en pierre, je donnerai pas d'amour. Elle t'envoie des mondes d'amis, y'a plus d'amour. Histoire de fou, relation de sourd. Ton sourire, il vaut plus que de l'or. Si je prends ta main, on ira jusqu'à la mort. J'ai pas le temps, fais pas comme si j'avais tort. Chica, chica, veut me jeter un sort. Chica, ne le dis pas. Il t'a fait du mal, ne le regrette pas. Chica, non me dis pas. J'ai un côté Hnine, un côté Honda. Chica, ne le dis pas. Il t'a fait du mal, ne le regrette pas. Chica, non me dis pas. J'ai un côté Hnine, un côté Honda. Chica, ne le dis pas. Il t'a fait du mal, ne le regrette pas. Chica, non me dis pas. J'ai un côté Hnine, un côté Honda. Chica, ne le dis pas. Il t'a fait du mal, ne le regrette pas. Chica, non me dis pas. J'ai un côté Hnine, un côté Honda.